Le sujet de la conférence pour l'année 2016, je l'ai intitulé Big Brother, principalement à cause de la convergence de planètes qui sont fortement en dissonance une par rapport à l'autre. Et je prends Jupiter qui est en Vierge puis qui est opposé à Neptune en Poisson. Il y a beaucoup de planètes qui sont en dissonance, comme Uranus qui est en Bélier, en Carré avec Pluton qui est en Capricorne. Et puis, on a un Saturne en Sagittaire qui est en Carré avec le Neptune en Poisson. C'est très... vous sentez déjà un peu les effets. Là. Il y a eu une... En 2015, ma coiffeuse, elle me disait... Je sais que je suis pas trop... Je suis dépeigné à soir, là. Mais ma coiffeuse, elle me disait... Elle dit, il y a bien du monde qui a hâte que l'année 2015 finisse. Je dis, oui, mais si l'année 2016 est la suite, tu te sauveras pas de grand-chose. Elle dit, j'espère que ce ne sera pas comme ça. Je dis, non, des fois, quand on change de linge, c'est le même corps qu'on a en dessous. T'sais. Fait que c'est pas parce qu'on a un mouvement de changement d'année qu'on a nécessairement une année qui se veut plus facile. Et c'est effectivement Big Brother, c'est que je mets beaucoup l'accent sur l'effet de Saturne qui rentre de plein pied en Sagittaire. Et puis le Sagittaire s'est identifié beaucoup à la loi. Et moi, j'ai goûté au mois de septembre, là. Et puis je vais y goûter encore en 2016. Et quand vous avez l'effet du Sagittaire qui se tape la planète Saturne, d'ailleurs, ceux qui ont le CD du mois passé, vous allez avoir à remarquer que la dynamique que je mettais sur l'effet de Saturne, c'est que c'était très, très, très restrictif à tout projet d'expansion et que ça demandait, à cause de Jupiter qui était en Vierge, d'être très, très accentué sur l'ordre. Et qu'une personne qui a des choses, exemple, qui ne se sait plus, a avantage à s'en débarrasser, que ce soit du monde, des meubles, un auto, n'importe quoi qui n'est pas à l'ordre, il faut faire du ménage. Et faire du ménage, c'est dans le sens autant très occulte que très matériel. Donc, dans le cours de l'année, les effets de Sagittaire et de la Vierge sont très accentués. Et ça, la Vierge, c'est gosseux, c'est tout le détail. Je ne parle pas du signe pour la personne qui est sous le signe de la Vierge, mais je parle de l'influence du signe de la Vierge, parce que beaucoup de gens ont tendance à regarder leur signe, puis après ça, il n'y a plus rien, mais c'est pas comme ça que ça marche, l'astrologie. L'astrologie, c'est des vagues d'influence, c'est des ondes d'influence qui sont gérées par des planètes. Quand une personne dit « Ah, moi, je suis le signe de la Vierge », ça veut juste dire que le Soleil en Vierge. Ça dit pas qu'il y a d'autres planètes aussi dans sa carte du ciel, et vous avez 9 autres planètes qui vous influencent. Comme moi, j'ai beaucoup de poissons, mais je suis Verseau, ascendant Sagittaire. Mais j'ai des grosses influences sur le signe du poisson, puis du cancer. Fait que j'ai beaucoup de signes d'eau, sur 4 planètes sur 10 en signe d'eau. Et ça a une influence dans le type de travail que je fais, qui est d'avoir une certaine forme de compassion pour les gens que j'écoute et puis de ne pas y juger non plus. Fait que j'ai des signes d'eau pour être un peu plus, on va dire, tolérant. Mais c'est un climat qui m'est personnel. Fait que chaque personne a sa structure de cap. Et quand il passe des planètes comme Saturne en Sagittaire, bien, ça va influencer votre carte selon la composition de votre carte. Fait que pour vous démêler, quand je parle des signes, prenez pas ça comme vous êtes de tel signe. C'est sûr qu'une personne qui est sous le signe du poisson va sentir l'effet de Neptune plus, parce que là, Neptune, qui est le maître du signe du poisson, a plus d'influence. Et puis, ça dure 12 ans. Fait que c'est 12 ans d'influence sur les gens qui sont marqués par le signe du poisson. Mais il y a aussi une influence sur les autres, qui sont Sagittaires, parce que c'est en Carré, qui sont en Gémeaux, parce que c'est en Carré, puis des affaires de même. Bon, je sais que pour les gens qui ne font pas d'astrologie, ça peut être complexe. C'est pour ça que quand je vous donne une conférence comme ça, je vous parle des influences, mais je vais revenir plus à la synthèse qu'à l'influence de la planète, parce que ça va vous mêler. Moi, j'écoutais des fois des astrologues, puis ils n'arrêtaient pas de donner de la technique, puis de la technique. Puis pour le commun des mortels, c'est comme inutile. Ben, je vous donne juste pourquoi j'ai appelé l'année Big Brother. C'est beaucoup en relation avec l'influence passagère, ça dure... 2 ans, 1 an. Jupiter, bien souvent, c'est juste 1 an qui passe dans le signe. Et puis, ces deux combinaisons-là, qui sont en carré, créent une restriction puis une tension très forte qui est principalement liée à la loi. Ça a commencé, cette influence-là, à peu près dans le courant de septembre-octobre. Et qu'est-ce que vous avez vu apparaître sur les routes? Les photoradars pour votre sécurité. Vous entendez que la sécurité, ça peut être payant, hein, vous entendez? Les assurances, c'est payant, puis etc. Fait qu'on est dans un climat où les structures d'autorité, les structures gouvernementales, municipales, etc., comme exemple, les villes sont plus restrictives pour les règlements. C'est ce qui fait que je déménage, parce qu'on voulait me restreindre, je vais passer de 18 chats à 2 chats. Puis j'ai dit non, vous ne me touchez pas à mes chats. J'ai 75 000 piastres investis dans mes chats. Vous ne me flasherez pas ça. C'est pas vrai. Fait que j'ai dit, je déménage. Point à la ligne. Et là, évidemment, le maire était très, très sentimental vis-à-vis mon coup d'éclat. Il a dit, ben, il faudrait que tu t'en ailles dans une zone agricole. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vais faire ça de même. C'est juste que les zones agricoles, c'est loin des fois. Là, j'en ai trouvé un proche. Ben écoutez, c'est proche des lignes américaines. J'étais à 8 km des doigts. C'est vraiment une zone agricole. J'ai principalement des grandes fermes autour de chez moi. Ils ont de la place en masse, les chats. Donc, vous voyez que peu importe où vous allez aller où il y a des réglementations, que ce soit dans des entreprises, que ce soit dans n'importe quoi qui suppose des politiques de fonctionnement, vous allez avoir un élément très restrictif. Les entreprises, pour augmenter la rentabilité, ils vont gratter des fonds de tiroir, ils vont exiger de leurs employés une heure de plus ou une façon de faire qui est plus restrictive, qui est plus engagée. Et ça va créer un climat de surveillance énorme. Déjà, la Vierge, par principe, ça surveille beaucoup. Puis là, avec Saturne en Sagittaire, qui accentue la dynamique de la réglementation, puis de la loi, puis il faut faire ça de même, c'est... souvent, le Sagittaire, ce qu'on reproche, c'est qu'il prend son idéal de fonctionnement comme étant l'ultime réalité. En voulant dire, on n'a pas juste le droit, il faut que ça se passe comme ça. Ça impose une ligne de conduite puis une ligne de fonctionnement. Donc, Big Brother, ça vient du fait que de façon générale, gouvernementale, collectivement, il va y avoir une ambiance de restriction que vous allez probablement, vous autres, vous donner, exemple, à travers des régimes pour votre alimentation. Vous allez dire, bon, ben je vais m'acheter un extracteur à jus, je vais faire attention à la quantité de nourriture que je mange, puis quitte, je regardais dans un des restaurants où je vais, il pèse son poulet pour que toutes les portions qu'il met dans les assiettes soient du même poids. J'ai dit, ouf, c'est quelque chose, on est rendu, là, quand tu vois le gars couper ses morceaux de viande, faire de la soupe avec les petits morceaux qu'il coupe, puis donner des portions pour le chat. Je dis, ça, c'est le signe de la Vierge. Ça, c'est, tu sais, c'est tout égal, tout est à l'ordre, tout est propre, ta-ta-ta-ta-ta. Fait que vous allez avoir un climat qui, même pour vous autres, vous allez vous auto-surveiller énormément. Et puis, tu sais, on dit tout le temps, on est surveillé, oui, mais tu peux avoir aussi l'attitude d'auto-surveillance dans ta vie qui vient du fait que c'est pour améliorer, tu sais. C'est parce que le concept... C'est l'amélioration, mais amélioration au prix de quoi, tu sais? Et ça m'amène à dire, vous allez être obligé de faire des choix au cours de l'année 2016, qui est, est-ce que j'améliore ou je suis en train de me mettre dans une petite prison qui va peut-être améliorer quelque chose, mais qui va détruire mon goût de vivre, ou qui va briser un élan dans ce que vous avez à vivre ou à faire. Moi, c'était ma grosse question au mois de septembre quand les gars sont arrivés chez nous. Ils ont dit, vous avez un excès de chat. J'ai dit, un excès de chat pour qui, là? Pour moi, ça va bien. Ils disent, vous autres. Ils disent, oui, mais ils disent, ça sent le chat. Ben, je dis, j'élève pas des hippopotames. C'est normal, ça sente le chat. Tu sais, j'élève des chats que ça va sentir les chats. Qu'est-ce que t'en penses, là? Fait que j'ai dit, c'est à toi que ça dérange, pas à moi que ça dérange. Où est-ce qu'il... Ouais, mais la salubrité, ben, écoute, t'amènes tous tes appareils que tu voudras. Si moi, je respire et je suis pas malade. Techniquement, tu veux que j'aille passer un examen médical? Il dit, je rentre en dedans, là, puis il dit, ça sent le chat. Ben oui, puis, ben, il dit, peut-être qu'il y a de l'ammoniaque. Ah ben, va chier ta machine. Va chier sa machine. Je dis, mais redonne en litière en commençant. C'est quoi le dangereux, là? Tu sais que ça commence? Il dit, ça commence à 25. OK? Puis là, t'as combien dans la litière? Il dit, 5. Ah ben, tu sais, c'est pas pire, hein? Je ne me mets pas à faire en litière toute la journée, moi, là. Puis là, regarde dans la maison, 3. Bon, ben, hein, ça va bien, on améliore de moitié quand on sort de la litière, le même appareil est au bout. Il n'y a pas de danger, qu'est-ce que tu n'as pas, je ne mourrai pas. OK, tu peux t'en aller. Non, il dit avec cette chute. Bon, ben là, c'est quoi, là? Ah, ben, peut-être que le bâtiment est contaminé. Ben, comment ça, toi? J'ai checké pour les coquerelles, puis il n'y en a pas. Puis les souris, il n'y en a pas non plus, ça, c'est sûr. Fait que, il n'y a pas moyen de négocier. Je dis, Christ, je déménage. Point final. Goût de vivre, ordre. Eux autres faisaient de l'ordre pour eux autres, évidemment. Et puis l'ordre coupait mon goût de vivre. Fait que, la discussion était vite. Moi, j'étais assez libre. Il ben, faut dire que j'ai les moyens de le faire aussi. Mais je dis, bon, point final. Moi, je n'ai pas ici pour un bâtiment, j'ai ici pour le plaisir de vivre là. Où je suis, je suis déménagé à Saint-Colombert pour ça. Bon, ben, il y a bien des affaires dans la vie, vous avez dit, non, je ne mange pas de sucre, c'est pas bon pour mon taux de cholestérol, je ne sais pas trop. Puis là, bon, pendant l'année, tu vas arriver, tu n'es plus dingue au riz, là. Au restaurant, ah, il y a un petit morceau de tarte au sucre, au pécan, le kit. Puis vous allez être obligé de regarder qu'est-ce qui améliore votre vie, puis votre goût de vivre, va-tu en conflit avec l'amélioration que vous cherchez à faire. Vous me suivez un petit peu dans la logique? Ça, c'est pour vous personnellement. Bon. On se fait surveiller, on se surveille, et c'est tout le temps basé sur une règle. Qui établit la règle? La règle s'établit pour une collectivité. Si tu manges trop de sucre, tu as du diabète. OK. Bon. Y a-t-il des gens qui digèrent plus le sucre que d'autres? Y a-t-il des gens qui veulent mourir sucrés jusqu'à temps qu'ils se piquent pour le diabète type 1? C'est toujours une question de savoir comment tu veux gérer ta vie ou comment tu veux mourir, tu sais. C'est clair que à cause de ces deux planètes-là, vous allez avoir des gros choix à faire, qui sont des choix d'ordre extrême, basés sur des recherches scientifiques. Et c'est comme les gens qui me disent, il faudrait que j'arrête de fumer. Oui, mais si tu arrêtes de fumer, tu vas détruire ton goût de vivre ou tu vas vraiment améliorer ta vie. Ben, tu sais, là, ça devient combien de fois tu tousses dans la journée. Tu tousses pas? Ben, peut-être que tu peux te faire encore une année à fumer. Les dents tombent à cause de la cigarette? OK, là, à ce moment-là, c'est peut-être tu devrais arrêter de fumer. C'est des choix importants, mais très importants de savoir si ça vous détruit mentalement ou ça améliore votre vie dans le sens du goût de vivre. Moi, j'applique beaucoup sur l'affaire du goût de vivre parce que le goût de vivre n'est pas nécessairement selon les principes scientifiques. C'est sûr que, probablement, que dans les temps futurs, les gens vont être nourris aux pilules. Ils vont avoir tellement de problèmes à pêcher, à manger du bœuf transgénique ou sans anticocin, que ça va finir que pour bien manger, il va falloir manger des pilules. C'est pas arrivé encore, hein, il nous reste quelques années. Fait que, en partant de ce fait-là, de qu'est-ce qui est l'idéal, sagittarien, d'être, et de qu'est-ce qui est vous autres vibratoirement la volonté d'être ou de vivre, vous allez avoir des gros choix à faire au cours de l'année, personnellement et selon votre individualité, et non pas selon des caractéristiques qui sont collectives. Mais vous allez vous faire mettre dans la face, là, des certitudes scientifiques, légales, extraordinaires. Moi, j'étais voir le maire, j'ai dit, écoutez, il y a au moins dans mon environnement 9 personnes qui n'ont pas d'animaux. Je peux-tu vous donner les noms de ces gens-là, puis qu'ils vont être les parrains de 2 chats. Non, il faut qu'ils vivent, puis qu'il y ait des plats, puis de la litière dans leur maison. Bon, vous êtes gossant, là, parce que, tu sais, je veux dire, si tout le monde avait 2 animaux, il y aurait 18 chats dans le coin. Moi, j'ai monopolisé les 18 à moi tout seul. Il n'y avait rien à faire, ils ne voulaient pas. Je dis, OK, c'est la loi, tu sais. Mais j'ai essayé sérieux, j'ai été le voir 3 fois. Je dis, si on fait ça, il dit, vous avez beaucoup de créativité. Je dis, oui, c'est à cause de ma mère. Mais il dit, ça passe pas. Le conseil, il veut pas. Je dis, OK, il n'est même pas capable de prendre sa responsabilité. Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'il y a des bouts, ça finit que c'est pas drôle. Surtout quand ça va te coûter 14-15 000, là, c'est pas évident. Parce que j'avais donné un dépôt pour l'acheter à la maison. Hein. Tu sais, avec 10 000, poup, je la perds à cause du notaire. Quand on arrive à Big Brother puis qu'on a des choix, qu'est-ce qui établit un choix? Je vais vous le dire. Ce qui permet un choix d'être un choix, bien que je ne crois pas, moi, personnellement, au choix, c'est le besoin et la nécessité. Si vous êtes pas capable de savoir c'est quoi dans un choix, qu'est-ce qu'il faut prioriser dans un choix, c'est tout ce qui touche le besoin et la nécessité. Vous n'avez pas le choix de manger. Hein? T'es carré, hein? Quelqu'un qui veut être anorexique, là, c'est violent de se faire dire ça. Vous n'avez pas le choix de manger. C'est parce que tu vas crever si tu ne manges pas. Bon. Aussi anorexique que tu veux, au moins tu bois un verre d'eau le matin, t'as le vent, là. Parce que la bouffe, tu peux peut-être passer 25 jours sans manger. On appelle ça un jeûne. Mais de l'eau, sauf que tu en es tout le temps. Quand vous êtes dans un choix, bien, posez-vous pas la question « qu'est-ce que je vais choisir? » Regardez ce qui est la nécessité ou le besoin, puis votre choix va se diriger vers ça. Donc, vous n'avez pas le choix dans plusieurs choses de la vie. Et puis, quand le besoin et la nécessité se présentent à votre porte, il n'y a pas de choix. Tu sais, je ne sais pas, moi, on dit tout le temps qu'un gars tout seul, c'est comme un bébé pas de couche, ça chie partout. C'est malheureusement vrai, je peux vous le confirmer. Et puis, moi, dans mon cas, c'est un besoin d'avoir quelqu'un qui vient faire le ménage chez nous. Hein? Homme ou femme, robot, n'importe quoi. C'est un besoin d'avoir un principe de ménage chez nous, parce que c'est vraiment une nécessité. Je peux faire 8 heures d'alloader des balles, puis être minutieux, puis 45 grains de poudre, puis tout. Mais faire le ménage, moi, pour moi, je regarde ça, puis je me dis, c'est pas payant. Pourtant, je paye pour le faire, puis je dis quand même, c'est pas payant. Puis je fais des balles à 45 cents ou 50 cents la balle. Je dis, ah, waouh. Tu sais, je fais 6000 balles, je fais tant. Il y a comme une folie que vous allez avoir à gérer, parce qu'il y a des fois, il y a des besoins que, par rapport à d'autres besoins ou des nécessités, c'est comme pas rationnel, c'est pas logique. Tu sais, je me regarde aller des fois, je me dis, je suis vraiment pas logique. Je devrais répondre à ce besoin-là avant celui-là. Puis, quand vous avez des choix à faire, un autre élément qui... Bon, il y a le besoin, la nécessité, mais il y a surtout la priorité. Vous avez besoin d'établir des priorités dans vos choix qui sont effectivement... C'est parce que vous pouvez avoir 4 besoins, mais vos besoins qui sont des nécessités vont arriver quand même à établir des priorités. Vous ne pouvez pas répondre à toutes. Et puis, des fois, vous n'êtes carrément pas à vibration pour répondre à tout. Mais malgré le fait que vous ne pouvez pas, il reste que quand c'est une priorité, il va falloir vraiment que vous mettiez un aplat à ça. Moi, j'avais des idées à faire après-midi. Là. Et puis, je n'ai pas le temps de penser à loader des balles. C'est le slack bonhomme, là, même si tu as une commande de 100 balles, tu as des idées à livrer. Fait que j'avais besoin de faire mes idées. C'était prioritaire. Puis là, ben, quand c'était prioritaire, ben là, il faut que vous sachiez comment installer ça dans votre do list, là, ou vos affaires à faire, puis que vous placiez ça comme on le fait, on ne s'ostine pas. C'est un commandement de Dieu, du gouvernement, un commandement. Là, c'est un huissier qui rentre chez vous, qui dit tu dois faire telle chose. OK, c'est bon. Fait que la priorité, c'est ça. Puis si vous n'êtes pas capable de répondre à la priorité, à des priorités, moi, vous le dites, vous êtes rebelle. Grand ça, toi. Petite personne qui se cache dans le garde-robe, rebelle, elle peut faire du dégât, tu sais. Et que priorités qui ne sont pas priorisées, dans le sens que vous ne le faites pas, vous marquez ça dans votre agenda, vous le mettez sur votre frigidaire, puis tata, tata, tata. Si vous ne répondez pas à ça, c'est parce qu'il y a quelque chose en dedans de vous autres qui est profondément rebelle. Puis si c'est très, très, très rebelle, ça va être dur, ces planètes-là, cette année. Parce que même vous, vous n'aurez pas d'obéissance vis-à-vis vous-même. Fait qu'imagine-toi quand tu vas rencontrer quelque chose d'extérieur qui va te placer devant un conflit, on va dire, d'ordre moral. Vous allez avoir des problèmes. Là, allez dans vos rêves, dormez, puis battez-vous avec tout ce qui a à se battre pour être capable de rester cohérent quand vous allez vous réveiller le matin. Moi, j'emmène du monde tiré, là, surtout ceux qui ont des idées de suicide. Viens voir comment ça fait mal un télescope dans le visage. Viens voir si tu serais capable de prendre la carabine que tu tires par là-bas, si tu la mettrais dans toute la gueule pour pouvoir te tirer. Regarde comment ça claque, puis c'est ça. Tu sais, il y a une différence entre l'imaginaire d'une personne et puis la réalité d'une personne. Et puis quand vous rêvez, vous êtes dans l'imaginaire de votre personne, il y a une liberté qui vous permet d'être ce que vous voulez. Vous pouvez avoir tous les fantasmes possibles. Mais... même si vous avez des fantasmes sexuels, acrobatiques, il y a des fois, dans la réalité, un lumbago, un asiatique, ça te replace le pompon un peu. Là, fait que l'évolution d'un individu cette année, c'est vraiment confronter l'imaginaire avec la réalité établir dans la matière les priorités pour qu'ils puissent se réaliser, et puis d'éliminer dans les vapeurs de rébellion le qu'est-ce qui est faisable du qu'est-ce qui n'est pas faisable. Ça va? Bon. Maintenant, il y a composé avec les autres. Bon, les autres, c'est pas toujours évident. Les autres, on voudrait... c'est comme moi, quand la mère m'a dit, il y a eu des plaintes à propos de vos chats. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fouillé dans les poubelles. Je dis, ils ont fouillé dans les poubelles. Ils ont de la bouffe à journée longue, des petits gourmets, là. Puis je lui donne des pas de bouffe mouillée, du friskies, du poulet, du tout cas. Je suis allé fouiller les poubelles, vous êtes sûr? Sûr. Ils n'ont pas confondu ça avec un raton laveur? Ou un renard ou quelque chose du genre? Ah, ben ça, on ne sait pas, on ne va pas jusque dans les détails. Ben, c'est ça le problème, là. C'est que là, il y a du monde qui prennent la balle, alors que c'est peut-être les ratons laveurs. J'en ai nourri 6 cette année, là. Ben, que ça a sauvé quelques poubelles, ça. C'est comme sur le bord de l'autoroute, ils disent... sauver un poulet, manger un burger. C'est drôle, ça, là. N'arrivez pas, là. J'ai juste moi qui ai dit, je suis fatigué, hein? Je le répète, vous êtes sûr. Sauver un poulet, manger un burger. Bon, il semblait bien qu'il fallait qu'il y ait des réactions. Les autres, c'est ce qui va vous troubler un peu, parce que là, on a les effets de Neptune. Neptune m'a juste marqué le signe astrologique. L'effet de Neptune en poisson, ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal-être chez les gens qui viennent, là, on va dire que ma bonne amie Claire, des crises d'angoisse, là. Tu pognes une crise d'angoisse, c'est comme, je sais pas, tu pognes une grippe ou tu pognes un rhume ou t'éternues, crise d'angoisse. L'effet de Neptune en poisson, ça joue beaucoup avec le... C'est des états de sensibilité extrême. C'est comme... je sais pas, chez nous, ils dynamitaient dans le coin. Puis mes chats, ils sursautaient à chaque fois. Pourtant, c'était quand même, à 200 verges de la maison. Mais ça shakait dans la maison. Puis c'est comme, là, ils étaient tous, ils écoutaient, puis ils regardaient. Puis ils sentaient qu'il se passait quelque chose. Ça, c'est un effet de Neptune. Qu'un être humain, il va entendre des sons, il va entendre quelqu'un, ou il va entendre une espèce de petite voix ou deuxième voix. Puis là, tu regardes, pareil comme s'il y avait une réaction auditive, alors que c'est une perception psychique. L'effet de Neptune en poisson, c'est que ça ouvre les centres pour donner une sensibilité à des plans parallèles. Bon, écoutez là, je sais qu'il y en a qui vont écouter le CD, parce qu'ils ne sont pas tous dans la salle. Ceux qui vont écouter le CD, je parle. C'est que l'effet de Neptune en poisson, c'est en train d'ouvrir les chakras des gens. C'est pour ça que ça dure 12 ans, c'est longtemps. Je le sais parce que moi, de la conscience, j'en parle depuis au moins 30 ans, puis c'est longtemps avant d'arriver à avoir des perceptions vibratoires. Et puis l'effet de Neptune, ça ouvre une sensibilité qui est entre la sensibilité psychique et l'émotion psychologique. C'est entre les deux. Fait que c'est comme l'émotion que vous vivez quand vous allez voir un bon film, là, puis là, il vous vient une vague d'émotions qui vous montent ou, je sais pas, on vous touche, puis ça fait 30 ans qu'on vous a pas touché, puis votre main vous a jamais touché quand vous étiez jeune. Puis là, t'es comme, ouf, un gros état électrique dans le corps, là. Ou comme il y a 2 ans, quand j'ai entendu des loups en arrière de la maison, je suis venu pour descendre, tu sais, qu'est-ce qui se passe ici, là? Puis, oups, poigné grand, frisson dans la colonne, puis ça revient en haut, toi, là. J'allais écouter ça, cette petite voix-là, là, elle remonte en haut. Parce qu'il y a une meute de loup qui arrive avec un gros steak qui arrive là, comme ça, là, qui se présente. Là. Je sais pas, pas sûr qu'il y avait... Ils disent tout le temps que les loups ont peur des humains, mais en gang, peut-être des fois, ça devient comme, je sais pas, les rouges ou les bleus à Montréal-Nord, là, les gangs de loups. Là. Ça devient pas sûr, là, c'est moins certain. Un isolé peut-être, là, mais 6-7 ensemble, là. Là, je suis resté sur la galerie, puis j'ai commencé à compter. Tu sais, avec les voix, ils ont toutes des voix différentes, quand même. Et puis, je dis, oh, il y en a 6. Puis, ah, oh, c'est clair que c'est pas des pingouins. Fait que je reste en haut. C'est l'effet de Neptune, ça, qui m'a inspiré de rester en haut. C'était en haut de la galerie. Hein. Fait que j'ai plutôt pris mon tape, puis j'ai enregistré. Puis j'ai mis ça sur mon tape en 2008. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en 2008, j'avais mis les loups en commençant. Neptune, c'est le mélange, et je répète, de facteur émotionnel avec un facteur psychique. c'est une amplification. Pour certains, ça va être agréable parce que c'est une amplification de l'intuition. Vous allez probablement plus facilement vers la médiumnité, pas nécessairement la perception vibratoire, mais c'est un départ. Ceux qui ont à avoir une conscience vibratoire dans les temps futurs vont avoir été exposés à l'influence neptunienne dans le bon sens. C'est ça que je veux faire comprendre. Ça va avoir aiguisé votre sensibilité psychique à un facteur de perception psychique qui est une perception des plans. Mais c'est extrêmement troublant psychologiquement. Parce que tu prends pour de la réalité matérielle quelque chose qui est perçu strictement sur un plan psychique. Ça va même au niveau de l'œil. Vous allez voir des choses qui n'ont aucun lien avec votre réalité. Mais les gens qui ont l'imagination facile, ils vont prendre réel beaucoup de pensées qui sont en guillemets, flyés pour des gens concrets, mais qui sont psychologiquement valables au niveau de l'idée que ça enclenche. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je veux dire, là. C'est comme, vous allez comme confondre la vérité avec la réalité. J'ai toujours dit, mais la réalité et la vérité, là, c'est deux mondes différents. La réalité, c'est bien art. Tandis que la vérité, c'est des jeux d'interprétation qui nous font penser que demain, ça va se passer de même parce que ça se passe comme ça aujourd'hui. OK? Et c'est, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la réalité, mais c'est pas l'assise d'une vérité nécessairement. C'est comme si la vérité, ça a déjà été réel, mais ça peut ne plus être réel. De là l'importance, quand Bernard disait, c'est important de pas croire. Parce qu'on va avoir, dans les temps à venir, beaucoup de changements très rapides qui vont confronter les vérités à de la réalité. Et la réalité ne sera pas toujours des vérités. Et ça, l'effet de Neptune crée chez les gens une condition de confusion entre ce qui est réel, qui est en réalité une vérité ou une perception qui peut changer. T'sais. Vous allez dire, ah ben là, moi, là, je fais ça de même parce qu'il s'est passé telle chose dans mon passé. Ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé, ça va se faire. Bon, regardez bien ça. Là. À la bourse, là, cette semaine, en dedans de 30 minutes, le marché a baissé d'au moins 70-75 points. Je parle de la monnaie américaine. Et puis là, tout d'un coup, il y a une réaction de l'Europe. Paf, ça a repassé à 100 points en hausse. Bon, pour quelqu'un qui disait, ça y est, ça va baisser, il s'est trompé. Ça a rebaissé après, mais ça a pris une montée énorme tout de suite avant à cause d'une réaction de l'Europe. Oui, mais ça, là, c'est neptunien, ça. Après ça, ça a rebaissé. Ça, c'était réel. Ce qui était réel, c'est que c'était bien accueilli par les marchés américains, mais les marchés européens ont voulu corriger ça parce que probablement ça a fait un fuck dans les échanges bancaires. Parce que moi, j'étais dans le Forex, évidemment. Et puis là, ça a remonté en malade. Mais ça n'a pas été soutenu. 15-20 minutes après, ça rebaissait beaucoup. Quelqu'un qui est sous l'effet de la vérité, il va dire, ah, ben il y a telle interprétation dans le marché, puis la réalité, c'est que les Américains ne prennent pas la nouvelle. Et au contraire, c'est une bonne nouvelle. Et puis, le marché a rebaissé après. Rebaissé parce que quand la monnaie américaine prend de la force, le graphique, par rapport à l'euro, il baisse. Puis quand l'euro prend de la force, le graphique, il monte. Bon, pour ceux qui ne sont pas initiés à ça, c'est difficile à comprendre un peu. Mais les effets de Neptune, c'est que poum, poum, ça crée une confusion. Là, la personne dit, comment c'est que le marché fait ça alors qu'il devrait faire ça? C'est tous les effets de Neptune. C'est tous les effets des promesses. Les gens qui font la promesse, qui vont aller voir, puis qui ne viennent pas. Ou de toutes les formes d'imprévus qui peuvent apparaître. Bon, on a pour longtemps, là. Tu sais, on n'est pas au début, là, mais on a pour longtemps, puis on a beaucoup, beaucoup de déceptions là-dedans. Tu sais, je pense à Harper, là, quand ça a rentré, Neptune, c'était pas mal dans la gouvernance d'Harper. Et puis, il y a beaucoup de déceptions. Tu sais, se faire dire des affaires qui étaient réelles, mais que le monde ne veut pas. Là, on est pris de Trudeau pour les bouts, là, qu'on va avoir le pote. Le pote, c'est neptunien, ça. C'est une drogue. Ça crée de la confusion dans le mental. Moi, je ne vois pas ça d'un bon œil. Pour avoir fait de l'exercice, je peux vous dire que les gens drogués, c'est difficile à exorciser. Pas à peu près. Les entités sont autour d'eux autres. Pas à peu près. Fait que les effets de Neptune, ça donne beaucoup, beaucoup d'adhérence à l'astral. Ça donne beaucoup, beaucoup de jeux d'interprétation psychologique qui faussent beaucoup le jugement. Fait que les effets de Neptune sont, en soi, excessivement dangereux à lire et à interpréter. Et c'est ça que les gens vont sentir, c'est que c'est pas ajusté à de la précision. C'est plutôt comme des lunettes avec des kaléidoscopes dedans, là, avec des variations de lumière ou avec beaucoup, beaucoup de réflexion puis de diffraction. Fait que l'idée de ne pas croire, ça vient de là, parce que ce transit-là est confronté à un manque de justesse de perception. L'autre point qui rajoute à ça, c'est que si tu es plus sensible, tu es nécessairement avec les autres plus susceptibles. Fait que l'augmentation du niveau de susceptibilité est très, très apparente. Vous allez avoir, je pense surtout au couple, là. On s'en va vers le couple. Je vais parler d'un mot que ça ne dit rien aux gens vraiment. On s'en va beaucoup vers les couples indépendants vers l'autonomie, en ce sens que les deux partenaires vont être autonomes plus tard, mais ont des comportements indépendants en premier. Fait que les deux ne veulent pas dépendre de l'autre, mais les deux veulent être individus, individuels, individus en voulant dire « respecte-moi comme individu, mais traite-moi pas comme si j'étais à ton service ». OK? Bon. Mais ça, avant d'arriver à être individuel, il faut que tu sois libre de l'attente que tu as de l'autre. Pas attendre l'autre, pour bien du monde, ça veut dire pas en avoir de besoin, alors que tu peux avoir un besoin de l'autre sans attendre après. T'sais, c'est comme, bon, je sais que c'est facile à dire, mais quand tu le vis, c'est un autre paire de manches. Tu finis tout le temps par une sorte de sentiment de dépendance par le fait que tu attends. L'autre te dit, ben, je vais te voir en fin de semaine, puis fin de semaine, ah, je pourrais pas y aller. Puis là, ben, c'est comme, tu as une attente, tu t'es préparé le cœur à, tu t'es préparé, moi, je lave mon char. Puis sinon, ben, tu sais, oui, il est crotté, il ne me dérange pas, autant qu'il ne va pas crotter en dedans. S'il est crotté dehors, c'est parce qu'il pleut, de fin de même. Mais avec l'autre, là, les effets de Neptune, c'est rushant parce que ça fait des fausses interprétations, parce que c'est comme un savon. Tu sais, un savon dans le bain, là, il y a des sortes de savons, là, c'est vraiment du ivory, là, c'est glissant, maudit. Plus, ils sont faits aussi que plus tu les serres, plus ça swing, hein, ça se touche. Puis il y a du monde qui sait des savons, des ivory, glissants. Puis pour les structures de couple, c'est très, très glissant. Tu m'aimes-tu? Ouais, aujourd'hui, un peu plus qu'hier. Bon, ça, t'as été chez AA, là, pour faire ça comme ça, plus qu'hier, moins que demain, là. Écoute, moi, je voulais savoir, là, on s'engage pas dans la vie hostie, là, fait que, m'aimes-tu? C'est quoi, ça, l'amour? Non, je veux pas en parler, je veux savoir si tu m'aimes. Ben, je te dis, là, aujourd'hui, je fais l'amoureux, amoureuse, mais je sais pas, je peux pas contrôler mes états. Toi, t'es-tu capable? Ben, moi, quand je suis engagé, je suis engagé. C'est pour le meilleur, pour le pays. Ben, moi, c'est juste le meilleur. Le pays, là, j'ai assez eu de pays dans la vie, là. T'es mon quatrième, toi, là. C'est assez, là. C'est ça, du Neptune dans des relations, là, du babounage, puis, tu pourrais te couper les cheveux, tu pourrais te ci, tu pourrais te ça. Chris, quand tu prends ton café, tu mets-tu du caramel dedans ou du sucre, câlisse? Tu sais, tu peux-tu te dire, je mets du sucre sur la table, puis si t'es satisfait, non, je donne du miel aujourd'hui. Bon, c'est tous des jeux, c'est parce que t'as la Vierge, là, qui est en quadrature, en opposition, c'est-à-dire avec Neptune, puis t'as le Saturne qui est dans le Sagittaire. C'est des détails! S'il vous plaît, si vous voulez pas divorcer, Chris, lâchez les détails! Il est là, il y a quelques... L'autre, je peux devenir féminin, parce que... Il est là, là. T'sais, il n'est pas mort, sacrément. Tu ne peux pas le perdre, il n'est pas mort. Il est sur la planète, c'est juste ça qu'il a besoin de savoir. Il est sur la planète. Puis si un cellulaire, ben, tu l'appelleras, mais appelle-le pas tout souvent, parce qu'il va finir par penser que tu le surveilles. Fait que c'est ça. Les couples, là, cette année, là, tu sais, pas trop de détails, les femmes, surtout, Chris. Un gars, là, c'est on-off, hein. La fille, c'est un paquet de boutons, c'est des dimmers, là, tu sais, que t'ajustes la lumière, là. Oh! Ouf! Faites attention à ça, les couples. C'est ça le principe du dimmer, tu sais, t'ajustes la lumière, là. Le gars, lui, c'est on-off, ça allume pas, tu sais. Ouais, c'est une belle image. Moi, ça n'est même pas venu tout seul. Là, c'est ta vie avec des femmes que j'ai fini par voir que c'était un dimmer. Là. Puis avant d'être demi, j'ai dit, on arrache le dimmer là, parce que là, c'est pépé. Là. Parce qu'en vieillissant, on a moins de tolérance aux variations. Hein. Donc, c'est comme, allume ou allume pas. L'autre aspect qui est bien, c'est Uranus. Avec l'effet d'Uranus, vous avez beaucoup d'effets de surprise. Ce que j'ai plus remarqué avec Uranus dans ma vie à moi, là, c'est de la briseur de contrat, c'est de la briseur de convention. C'est beaucoup, c'est très, très favorable à l'innovation. C'est très favorable à, parce que le bélier, il n'y a pas rancunier. C'est très favorable à récupérer un conflit, mais c'est pas récupéré avec le fiévreux d'envoi, là, tu sais. Il n'y a pas de regret de... C'est vraiment... On s'en veut pas, on recommence à zéro, puis on y va. Ça, ce côté-là, c'est bon. Par contre, ça donne beaucoup d'occasions de se pogner très fortement, très violemment. C'est pas grave. Fait que dans la mesure que vous êtes capable de composer avec ce caractère tempête-là, ça va. Mais les gens qui sont pas capables de composer avec ça, ils vont vivre un enfer. Ça va être terrible, là, tu sais. Terrible, terrible. Parce que c'est très spontané. C'est du volcan spontané. Ça s'éteint spontanément. Ça n'a pas de rancune. Puis tu ne peux pas garantir que ça ne reviendra pas. Tu ne referas plus ça, là. Je ne sais pas. T'sais. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais écoute, c'est de même aujourd'hui. Puis on verra dans un an, deux ans. Fait que si vous avez. Tu sais, quand il y en a qui disent moi, je te prends tout à le côté. Oubliez ça, là. Pas pour les prochaines années. Moi, je sais bien qu'il ne faut pas me prendre comme je suis, parce que je ne sais même pas comment je vais être. Fait que, surtout, écoute ça. Fait que, donc, l'aspect d'Uranus, c'est beaucoup d'imprévus, c'est beaucoup de ruptures de contrat, c'est beaucoup de ruptures de rupture d'une façon générale, des changements de travail, des changements de ça, de façon tout à fait... moi, là, je m'en allais mourir à Saint-Colomban, puis là, tout d'un coup, là, je suis obligé d'aller mourir ailleurs. Ou carrément mourir dans le char, parce que brûlé par le millage, tu sais. Tu sais, 3 heures de route, à chaque fois que j'ai travaillé à Montréal, là, c'est violent. Donc, l'effet d'Uranus, c'est ça. Ça bouleverse une vie, ça défocalise sur un objectif de vie à venir. Fait que si vous avez des visions plus à court terme de la vie, ça va aider. Tandis que si vous avez des visions vraiment à long terme, c'est pas fait, tu sais, en bélier, c'est pas fait pour les capricornes. Capricorne, on dit tout le temps, tu sais... c'est un train là, qui travaille tout le temps pour s'en aller en quelque part. Uranus en bélier, ça cause tous les projets des structures mentales capricorniennes dans la vie. Après ça, on arrive à notre ami Pluton. Pluton, on a commencé en 2009, ça s'attaque aux retraites. Ça s'attaque à toute la stabilité des structures qui sont liées... du garanti. Tu sais, exemple, un gouvernement, c'est supposé avoir une crédibilité absolument garantie. Écoute bien, là. Pluton, là, il est à l'origine de Trudeau qui remplace Harper. N'est pas me dire que c'est pareil. Tu sais. Ça, c'est Trudeau. Les selfies. T'aurais-tu pensé à Harper faire des selfies avec Pio Pang ou je sais pas trop? Non. Et lui, oui. Si ça, vous appelez ça de la stabilité gouvernementale, moi, je comprends pas. OK, changement de génération, papa. Mais c'est trop. C'est trop. Moi, quand je vois ce gars-là, j'ai l'impression que c'est un artiste, c'est pas un politicien. Hein. Fait que... Les effets de Pluton, c'est ça que ça fait. Ça brise un pattern. Comment je pourrais appeler ça? On a un autre, Trump. Écoute. Ouais, Donald Trump, là, écoute, Moi, tout fiché musulman, je vais chipper Mexique au Mexique. Hey, wow, c'est quoi qui te reste, les homosexuels? Y a rien qui tire pas, le gars. On n'a pas vu ça en politique, de faire la même. Bon, ben, l'effet de Pluton, c'est ça que ça crée. C'est des bouleversements dans des structures qui sont ancestrales. On avait ça dans les années 1500, puis là, c'est changé. Mais si on a ça, on a aussi dans l'affaire des guerres de religion, le musulman, les religions catholiques. Puis toi, Capricorne, j'ai marqué une date sur mon site Internet, là, le 10 décembre 2020. Moi, janvier, excuse-moi. Je t'applique le calendrier Maya, là, qui est le 12 décembre 2012. Non, 10 janvier 2020. L'effet de Pluton va être à son paroxysme parce qu'il va y avoir un paquet de planètes en Capricorne à ce moment-là. Et vous le savez, on est présentement en guerre avec l'État islamique, mais ça risque d'aboutir dans le monde musulman contre l'Occident. Parce qu'on a plusieurs religions, nous autres. L'Occident, je parle, et puis ça risque d'atterrir dans une confrontation entre des époques. Parce que le monde musulman, moi, on avait parlé à Bernard, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il dit ça, c'est des gens des années 1500. Fait que c'est comme toutes les grosses mémoires ancestrales. Regarde les Autochtones, c'est des mémoires ancestrales. Ça commence à remonter là, avec l'affaire des viols puis de la violence faite aux femmes autochtones. Je l'ai tout dit, hein? Le mouvement apocalyptique emmène les gens, dans les temps futurs, à avoir une obligation d'avoir un respect pour la femme. Et que c'est là qu'on va savoir que l'Apocalypse est fini. Tant qu'il n'y aura pas un respect de l'identité de la femme par l'homme, on n'aura pas de changement important comme on est supposé avoir. Que vous regardez juste le monde musulman, le rapport à la femme était horrible, horrible, horrible. Puis c'est eux autres qu'il faut qu'ils changent. Ce n'est pas la planète qui doit changer. Fait que le conflit va être essentiellement fondamental. Plus l'effet de Pluton va s'avancer vers 2026. Avec 2016, là, la confrontation, tu sais, on dit tout le temps, c'est une maladie qui dort, mais là, c'est une maladie qui va apparaître au-dessus de la peau, là. Tu vas l'avoir qui sort du corps, là. Et puis ça va être des bouleversements plus qu'ancestraux. C'est des comportements humains. Mané, je regardais pour écrire mon livre, là, Le couple de la sixième génération. Puis incluant toutes les générations passées, là, les trois premières versus la quatrième, la cinquième et la sixième qui s'en vient. Et puis j'ai dit, ouais, si j'écris, c'est pour moi, on m'acceptera pas dans l'écriture de la sixième génération, mais je lâchais le descriptif des anciennes parce qu'on les connaît, parce qu'on les vit. Mais la sixième génération, c'est vraiment l'explosion de l'individualité dans les rapports humains et principalement dans le couple. Et donc, ça va altérer beaucoup, beaucoup l'éducation et la culture des familles. Ben, je pense que je vais l'écrire, je vais être du temps en masse là-bas, là, puis de toute façon, il faut que je paye mes dettes, mais anyway, oui, fait que on va faire des livres, pas le choix. C'est pas mal. J'ai pas mal fait le tour. Là, je vais vous laisser aux questions. On va changer le fichier de bord. Ont le droit au crédit carbone, tu sais, les autres c'est correct, ou tu sais, des champs d'épuration qui vont coûter 40 000 pièces alors qu'ils jettent 1 million de litres de cochonnerie dans le fleuve. Cette différence-là, est-ce qu'on a un sentiment d'injustice quand on voit ça? Est-ce que... Bon, c'est sûr que tout ce qui va toucher les problèmes de loi dans le courant des 2 prochaines années, parce que c'est Saturne qui est en Sagittaire pour à peu près 2 ans, là, 16-17, ça va nécessairement créer ce sentiment-là, malgré ça fait déjà un bon bout qu'on. Tu sais, les demandes salariales qu'on a eues là, avec les syndicats et la patente, là, ils ont eu 10 % puis ils ont l'impression de s'être fait un cadeau. Ça joue beaucoup avec le psychologique, hein, tu sais. Il y a Neptune en poisson qui joue avec le côté ambigu, là. Les intrigues. Ça joue beaucoup, beaucoup avec le psychologique. Énormément. Ça va être de plus en plus ça. Plus on va se rapprocher de 2026, plus on va être dans des générations de gens subtils, très, très subtils. Ça va être des tournures de mots, des climats psychologiques. C'est ça. Mais tu sais, vous allez avoir 2 vies, hein, dans les temps à venir. Vous allez avoir une vie pour la société puis une vie pour vous autres. Puis moi, je regarde les forces, ils m'enlignent pour être seul. Mais s'ils font ça, c'est parce que les gens vont avoir avantage à s'isoler, là, à vraiment s'isoler. Là. C'est ça. C'est le mode, vous allez avoir un mode de vie qui va chercher un isolement plutôt que la collectivité. Je peux vous dire ça. Là. Les gens qui sont dans un processus de développement de conscience, là, ils vont vouloir être seulement qu'avec des gens conscients ou des gens qui ont un langage sur lequel ils vont pouvoir se comprendre. Mais le langage de la collectivité, ça va être du point de vue, des argumentations, c'est que ça n'a pas de fond. Tout pour... Tu sais, quelqu'un qui prête la croyance, là, il va de la matière pour venir fou. C'est vraiment ça. J'ai été longtemps à dire, puis ça fait au moins 20-30 ans, je disais, un jour, le monde va se tirer dans la rue. Et les gens vont être exaspérés. Bon, on est dans cette période-là. Là. Ça commence, ça. Il y a une affaire que les Américains sont forts. Ils ont le droit d'être armés. À un moment donné, sur la planète, oui, il y a des affaires qu'un Libanais me comptait. Et une affaire comme ça, là, il dit, nous autres, le gars, il est mort dans la journée. Là. C'est barbare, hein? Mais c'est parce qu'à un moment donné, la tolérance spirituelle, là, le monde, ils vont se rendre compte qu'ils se font enculer d'aplomb. Là. Qu'est-ce qui est de l'évolution? C'est bien mourir. C'est quoi l'évolution? Qu'est-ce qui doit se passer pour être évolué? C'est ça la grosse question. Quand je récupère du monde à les faire tirer de la carabine, parce qu'ils sont déprimés et ils ont de l'agressivité qui n'est pas dégagée, je dis, viens tirer, ça va te faire du bien. Puis là, elle tire, puis... Ouais, c'est vrai que ça fait du bien, tu sais. C'est comme une envie de chier de 3 semaines, là, puis que là, oh, puis laisse-toi aller, puis... Tu te libères le péteux, là, puis tu dis, oh, t'as l'accouchement, c'est là, là, là, là, là, ça va te faire du bien, tu vas le lâcher. Puis là, ben ça, bon, ça veut dire qu'il faut que les gens comprennent que être bon, puis être capable d'avoir des pensées ou une vie qui a un côté groundé, là, un côté où le mal, tu sais, un gars qui s'entraîne pour les Olympiques, là, Chris, il se fait souffrir. C'est dur, l'entraînement pour être bon dans quelque chose, là, c'est plus dur que ça l'était. Il n'y a pas juste les bonnes pensées, il y a les pensées de combat puis de lutte. Penses-tu qu'un bon joueur de la Ligue nationale au hockey, toi, là, il se bat pas là, pour être capable de performer? Un gars comme Carey Price qui se fait rentrer dedans puis qui se fait briser, ou l'autre qui reçoit un slap shot sa main puis qui se fait casser 2 doigts, là, Gallagher, tout le kit. Là. Ces gars-là, il faut qu'ils se battent pour leur survie, pour leur contrat, pour leur image. C'est du combat, c'est de la guerre, ça, là. Là. On vit pas toute la guerre à tuer du monde, mais on vit de la guerre dans la vie tous les jours pour pouvoir payer nos comptes, pour être capable d'arriver à s'afficher avec autorité, câlisse. Avoir de l'autorité, là, c'est pas toujours bien perlé, là, tu sais. Il n'y a pas de perlette, là. À un moment donné, hey, tabarnak, ou que ça allume, tu sais. Les gens, non, ils se permettent pas ça, ils veulent être bien éduqués. Oui, mais c'est drôle, les gens bien éduqués, c'est eux autres qui se font fourrer, câlisse. Fait que... C'est quoi ça, évoluer? T'sais, évoluer, c'est balancer ses vibrations. Mais balancer, à ma connaissance, c'est 2 plateaux. Il y a un plateau à gauche, un plateau à droite. Puis c'est ça, être évolué. C'est d'avoir une capacité de lire les choses puis de rester lucide. Si t'es pas lucide dans la vie, dis-moi pas que t'es évolué. C'est pas parce que tu parles philosophie que t'es évolué. Pas vrai, ça. J'en ai tellement vu, moi, des gens dans la conscience dite supramentale qui se disaient évoluer parce qu'ils avaient un langage. Hey. Il y en a combien, c'est-tu, qui se pensent être des consultants? Hey, j'en ai 40 ans derrière la cravate. J'en ai-tu entendu, tu penses? Au-dessus de 40 000 consultations. J'ai vu tout vu. Claude, fais comme moi avec Bernard. Invente une question. Quand tu vis dans la société, tu disais qu'on va devoir avoir deux vies parallèles. Oui. Ben, une pour aller travailler. Une pour aller travailler pour composer avec la société parce qu'il faut répondre aux besoins de base. Oui, c'est ça. Puis l'autre, comment tu fais pour prendre de l'expansion dans ta vie privée? Dans ta vie psychique. Dans ta vie psychique, oui. Ça revient tout le temps à être capable de suivre une vibration. Plus tu es capable de dissocier de ta vie publique pour répondre aux choses de base, plus après ça devient... ton rapport avec ta source pour savoir où ta source veut justement te faire évoluer. Là. Apprendre à balancer ses vibrations, c'est un art. Là. C'est pas donné à tout le monde, ça. Là. Mais de par ton expérience, où ils veulent aller avec toi. C'est comme si toutes les personnes que j'ai connues qui étaient réellement en contact avec le source, c'est comme c'est pratiquement des vies d'enfer. C'est comme si des vies d'intégration à outrance. C'est comme si jusqu'où ils veulent aller. Ouais, moi je trouve qu'ils n'ont pas trop magané. C'est ça. Pour moi, il y a quelque chose qui te protège. Oui, c'est ça. C'est ça que je veux savoir. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te protège de la vie d'enfer? Oui, c'est ça. Mais c'est possible de se protéger réellement d'une vie d'enfer? Bon, fais ce que tu fais. La vie publique est bien. C'est bien ajusté. Tu conviens à ça, puis tu ne fais pas de vagues autour de toi. Puis. Dans le fond, tu as juste ta femme à t'occuper vraiment là, pour pouvoir avoir une vie où tu respectes son individualité. Puis, c'est sûr que je ne suis pas dans le secret des dieux de vos conversations, mais elle n'a pas de l'air malheureuse, ta femme. Là, c'est pas. J'ai même entendu Hélène dire elle maudit Claude. Je ne veux pas. Moi, je trouve que tu es un bon modèle d'évolution. Quand le monde me dit tu connais tout ça, toi, des couples conscients? Moi, on en connaît un. Là. Il n'est pas bavard, mais peut-être que c'est d'être justement pas bavard qui fait qu'il y a une vie de couple qui est équilibrée. Là, donc, non, je trouve que c'est bien. Dans ton cas, ça a l'air d'être bien réparti. Puis on rentre chez vous et on ne sent pas de conflit. Là, c'est... Qu'est-ce qui fait qu'un inconscient est capable de composer avec tous les mouvements soit de révolution ou de transformation facilement? Tu parles de son rapport avec la vie publique? Oui, c'est ça, par rapport à la société. Moi, puis toi, tu as connu Bernard de proche aussi. Là, dans un sens, on est pas mal égal là-dessus. Dans le sens où on connaît Bernard dans le privé. Là. il ne cherchait pas bien à se mêler au public. Lui, il appelait ça des inconscients sages. Puis il gardait beaucoup de distance avec le public. Puis moi, ça n'a pas marché fou avec Pierrette. Mais Pierrette, si elle n'aurait pas cherché à avoir le crédit de Bernard en public, il n'y avait pas de problème dans cette relation-là. Son erreur, c'est d'avoir cherché à avoir autant de notoriété. Ouais. Le mot exact, c'est notoriété que Bernard. C'est ça, ça a été son erreur. Mais si elle n'aurait pas se lancé sur la ligne-là, il n'y aurait pas eu de problème. Ouais, toute ta femme, elle ne cherche pas de notoriété. Elle ne cherche pas à t'enterrer quand tu parles. Puis il n'y a pas de conflit. Okay. Le couple, c'est viable. Mais moi, dans mon cas, c'est plus difficile parce que je suis un amateur de panthère. Puis de patente qui graffine, là, fait que... Moi, je prends un repos de la femme, mais j'aime beaucoup la femme, j'aime beaucoup être en relation avec. Mais pour les gens qui veulent vivre du couple, elle s'agriffe aujourd'hui, là. Je suis pas un musulman qui mérite une Québécoise, là. Je te dis qu'il va faire son séminaire, ce gars-là. Je dis, je vais prendre le plus magané des Syriens, je vais dire, écoute, tu veux-tu te refaire faire, veux-tu renaître? Il présentait clair, là, tu sais, puis il m'a dit, sérieux, ça fait 3 mois avec, là, tu vas te dompter n'importe quel cheval, là, c'est ce qu'ils vont te donner dans des compétitions de rodéo, là. c'est ça, tu sais, Marianne québécoise, là, c'est jouer à roulette, ça, là, avec 3 balles dans le gun, là. Donc, c'est ça. Ben, tu sais, bien s'entendre dans la vie, moi, je pense pas que je pourrais bien m'entendre avec un environnement très inconscient. Là, non, je sais pas vraiment. Ça n'a pas des bases de compréhension qui sont les miennes. Okay. C'est mon point de vue. Je pense que le concept d'avoir 2 vies, là, ça va s'amplifier au fur et à mesure qu'il y a une élimination de la réflexion. Plus les gens vont éliminer la réflexion de leur vie, moins ils vont être capables d'endurer des gens qui sont dans la rationalisation, puis il faut faire d'envie. Puis, les grands, moi, les philosophes, là, c'est genre un pionnier. Contrairement à des gens qui sont, disons, en pré-retraite ou en retraite dans le monde normal, mettons, un être en état d'évolution de conscience, comment il peut percevoir sa retraite ou la fin de vie? Comment tu vois ça? Moi, je me vois jamais sénile, mais je vois mon corps se défaire. Mais mentalement, ma tête va aller toujours plus vite que mon corps en termes de développement. Je pense pas qu'on prépare notre vie pour garder notre corps, t'sais, notre vie, notre réincarnation. Là. Moi, j'ai souvent l'impression que je prépare ma vie future, mais que la vie ici, j'ai pas mal fait. J'ai fait le tour dans un point de vue psychologique. Mais la vie que je veux vivre, c'est une vie où je suis ma vibration, puis où je raffine ma perception. C'est comme ça que je vis ça. J'aimerais ça pouvoir la communiquer aux autres. Mais la plupart des gens que je connais qui sont dans des démarches de développement de conscience, c'est des gens qui sont fortement confus ou divisés entre le côté psychologique puis le côté vibratoire de leur vie. Puis je comprends que c'est difficile, là. Parce que justement, Claire va me dire souvent, « Ouais, mais elle dit bien bois conscience, mais moi, vivre avec qui, moi, là? Là? Mes voisines, ils commencent à me taper ses nerfs, papa, papa, papa. » Elle dit, « Je vais finir tout ça. » Ben non, t'as une quinzaine de gens que tu connais. Ouais, mais si on veut aller dans le monde, si on veut sortir puis prendre un verre, plus on est conscient, plus on se pack vite, là, c'est pas drôle. Tu sais, il y a une différence entre boire une bouteille de vin puis deux verres, tu sais. Moi, je trouve ça plus économique, moi, un verre, je n'ai puis je bois bien de l'eau. Moi, chez nous, c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Petite variante avec le Perrier ou le Pérégrino, là. Mais pas de boisson chez nous. Pas parce que j'aime pas la boisson, c'est parce que, je suis pacté en dedans de deux bières. Tu me vois-tu deux bières chez nous? Il n'y a pas les chats qui vont me relever de terre, moi, là. Je vais être obligé de dormir sur le plancher puis de me réveiller le lendemain. Hey, wow, minute! C'est dur, un plancher. OK, non. Il y a des choix dans la vie quand tu es conscient, puis c'est pas des choix, en réalité. C'est une intolérance à certains climats là, qui fait qu'à un moment donné, tu vis la vie différemment. C'est ça. Non, moi, je pense que la conscience, ça va isoler beaucoup de gens. Et puis qu'effectivement, on va regarder le monde se battre. Puis tu sais, c'est-tu con? Se battre pour une religion, puis se battre pour ci, puis se battre pour ça. Est-ce que ça va limiter l'échange en isolation? Limiter l'échange? Oui. Ben moi, je trouve que je suis limité au niveau de l'échange. Par contre, d'un autre côté, je suis capable de parler à tout le monde. Parce que je ne suis pas gêné avec personne. Tu sais, quand tu sais tout, tu vois tout, puis papa. Moi, j'arrive avec quelqu'un, pendant 10 secondes, je sais exactement qu'est-ce qu'il pense. Je sais où Jeannette était avec moi, une fois au Tim Hortons, j'avais de la bouffe de chien puis de chat à vendre. J'ai regardé un gars rentrer, je dis, oups, lui, c'est un gars à chien, ça. J'étais le voir, j'ai dit, vous avez un chien? Comment se fait-il ça? Ben, j'ai dit, parce que je vends de la bouffe de chien. Tu as ce rapport avec le fait que tu sais que j'ai des chiens? Ben, j'étais un petit peu médium, c'est bon, là. Mais vous avez vraiment le genre d'avoir des gros chiens. Il dit, gros chien, comment se fait que tu sais que j'ai pas de chihuahua? Je sais pas, vous avez une face à chien, là. Je dis, j'ai une face de chien? Non, non, une face à chien. Ben, Chris m'a acheté un gros sac pareil, puis dit, donne-moi ta carte d'affaires, j'aimerais ça d'en avoir d'autres. Un témoin, là, elle. Donc, c'est une affaire de sensibilité, tu sais. Fait, moi, je m'en vais n'importe où, puis j'ai des sacs de chaud de chien. Vous avez des chats, vous, madame? Ben, c'est sûr que vous savez ça. Ah, puis t'as même des chiens. Elle dit, comment ça que vous savez ça? Je suis pas engagé que vous avez fait de l'élevage. Elle dit, comment ça que vous savez ça? Elle dit, vous me faites peur, là, vous, là. Non, non, vous allez voir, j'ai des bons deals. 50% du prix, pas de taxes. En plus, ouais, vendu 6 sacs. On va pas ça se couper, hein? Je me coupe pas. La force est avec moi. T'as la botte de parler de même, là. J'en profite. Mon sabre laser, c'est mes yeux. Qu'est-ce que ça fait en Anne pour être capable de gérer une condition de stress vis-à-vis de la société? Vis-à-vis de la société? Tu parles, là, tu jokes sur des conditions mettons, humaines, des rencontres humaines. Là. Mais avant d'arriver à être capable de bien vivre ce stress-là... Avec la société? Qu'est-ce qu'on doit intégrer réellement? J'en avais un stress avec la ville. Les forces me disent, faut que tu déménages. Ben, je déménage. Ça fait pas mon affaire d'aller me chipper à Dundee. Là. Mais rendu là-bas, hein, quand j'ai accepté ça, ils m'ont donné les options binaires dans le stock market. Et puis, à force de pratiquer avec cette affaire-là, j'ai perdu 30 000 de fictifs. Mais ça m'a développé des réflexes pour le Forex avec FXCM. Puis cette semaine, j'ai fait 6 000 $ dans une journée. Parce que là, avec les binaires, là, tu sais, il faut bouger vite, hein. C'est une minute la trade, c'est pas. C'est vite, vite, vite. Fait que là, quand t'as pas de délai, là, puis t'embarques sur Forex, FXCM, là, pop, pop, pop, pop. Ça bougeait là, dans le marché en malade. Ceux qui ont checké ça, elle a checké ça un petit peu. Hii, tabarnouche, t'avais des gaps là, de 10-15 points là, en dedans de 2-3 secondes. Quand t'as pas fait de binaire, t'es pas capable de prendre ces vagues-là. Mais il fait 3 semaines bien intensives, du 6 heures par jour. Puis là, j'étais capable. J'ai fait 6 000. Là. En fait, j'ai pas fait 6 000 dans la journée, j'ai fait 6 000 en une heure. Ça, c'est grâce aux forces. Mais les forces, il faut savoir comment ils travaillent. Ils ne travaillent pas pour ton bien-être et ta sécurité. Ils travaillent pour ton évolution. Ils m'ont fait évoluer dans cette expérience-là. Puis quand je vais arriver là-bas, à 8 km des douanes, je vais peut-être aller déjeuner aux États-Unis tous les jours, moi, là. Alors là, j'ai besoin d'une carte Nexus, là. Puis là, avec la barbe, faut, tu sais, je la rase parce que je ne vais pas aller à des musulmans. Surtout si Trump rentre là. Avec, passe aux douanes facile, un fast-pass avec Nexus. Là, vous allez où, monsieur? Ben, je m'en vais à New York, dans l'État de New York. Je dis, j'étais à 8 minutes de chez nous, puis je m'en vais déjeuner à Fort Covington. Tu sais, c'est un changement de vie, ça, là. Hein? Puis là, quand ils m'ont vu passer là pendant un an, ils m'ont dit, pourquoi vous ne prenez pas votre nationalité américaine? Je sais pas, on va regarder tout ça. Les forces, ils n'ont pas de calice de fond, tu sais. Ils m'ont renvoyé en Europe, j'allais être en Europe. C'est apprendre à vivre avec eux autres. Eux autres, c'est la vie. Ben, j'ai pas de misère. Ils vont dire, bon, tu vas mourir dans une semaine. OK, qu'est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant de partir? Tu sais, tu comprends, tu veux, là? C'est aller jusque-là, là. Moi, je suis prêt à aller jusque-là. Eux autres, le monde, il y a belles affaires qui sont attachées à être dans le sens astral du terme. Pas de trouble. Vous allez venir en consultation longtemps avec moi, là, parce que... Je suis toujours au moins une semaine d'avance sur vous autres, même de toi. Okay. C'est plus dire, être en avant de Claude, là. Ouf! Travailler fort, là. Dans certains départements. Dans certains départements. Bien, c'est sûr que je vais te recevoir juste dans ces départements-là, hein, tu entends? Pas fou. Question? Un autre 10 minutes, puis vous allez pouvoir aller prendre votre café. Les planètes t'as mentionné, là, comme... Neptune, puis Uranus, mais c'est à tous les ans qu'ils passent, eux autres, non? Mais c'est parce qu'il y a des carrés, tout ça, là, tu parles de ça. Bon, ils se déplacent, c'est sûr, mais c'est parce que Pluton, ça dure 18 ans. Uranus, ça dure 8 ans, 9 ans, je pense, puis Neptune, c'est 12 ans. Le passage dans le signe, je parle, dans un signe. Fait que Neptune en poisson, là... Vous êtes né, ça n'a jamais passé. Vous êtes lavé là, puis ça, c'est une affaire qui va repasser dans 144 ans. Là. Tu fais 12 fois 12, ça fait ça, 124 ans. Ça va repasser dans 124 ans. Fait que c'est unique, là. T'sais. Pluton en Capricorne, c'est unique. Est-ce que, comme il parlait tantôt, par rapport à l'expansion ou dans le développement, c'est. Et là, on voit, parce que moi, je trouve que ça... Écoute, je sais qu'est-ce que tu penses, parce que tu me téléphones tous les jours pour me parler de tes crises neptuniennes, là, non, les que angoisses. Parce que ça, tu as dit tantôt, ça va bloquer l'expansion, ça va être plus subtil. Bien, c'est parce que la notion d'expansion pour les gens, c'est toujours en fonction de leur cash, toi, en fonction de l'argent, OK? La plupart des gens, l'expansion, c'est tout le temps en termes d'avoir plus d'argent dans leur compte à la fin de l'année, OK? La plupart. Pas toi. Toi, tu es évolué. C'est pas pareil. Fait, toi, tu en as moins. Tu dis, ah, j'évolue. Mais pour la plupart des gens. T'sais. Fait que moi, je suis en train de vous expliquer qu'un individu conscient regarde les petits malheurs de la vie comme étant des tests de vie. Et ce que je vous dis régulièrement, et toi en particulier, c'est que si tu passes le test, ils vont te faire un cadeau. C'est pas vraiment un cadeau parce que ça carbure au mérite. Mais si tu acceptes le test, ils te font un cadeau. Tu regardes, mon gars se rapproche parce que je me rapproche des douanes. Il dit, moi, te faire 100 000 par année. Tu vois, 100 000 de chiffre d'affaires ou 100 000 à moi dans mes poches. Lui, les douanes, c'est posté aux douanes, posté au state. C'est un comptoir UPS au state. Parce qu'il y a du stock à shipper, puis quand c'est shippé au state, un paquet de CD, de 20 CD, là, je passe ça ici, c'est 13 piastres. Je passe ça au state, c'est 2 piastres et demi. Fait que tu sais, poster, tu peux même poster au state au Canada, puis ça coûte moins cher que de poster au Canada. Avec Chris, C'est eux autres qui ont inventé le bureau postal puis la poste. Là, quand tu vois un gars courir avec un paquet de lettres, là. Cargo, ouais, c'est ça. Western. Oui. Fargo, en tout cas, tout ça. Oui, après, c'est ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire quoi? C'est que je connais pas mon avenir, mais je sens que c'est bon. Si je passe le test, si je passe pas le test, je vais mourir là. Parce que 3 heures de route, là, c'est violent. Je te jure que c'est violent. Pour Pépé, là, à 20 ans, puis à 65 ans, là, pas pareil, pas en tout. 3 heures de millage tous les jours, là. Bon, pas tous les jours, là, c'est sûr, je vais m'occuper là-bas. Puis c'est ça. Mon rêve, c'est de trouver un lynx là-bas que je peux apprivoiser parce qu'il était abandonné par sa mère. Hein. Mais ça, c'est du fantasme. C'est ça, je pense. Je vais juste expliquer qu'il faut regarder la vie en partant du fait que ce qui va mal, c'est un test. Pour les forces, ils te font évoluer dans les tests. Et que chaque test sera toujours un facteur d'évolution pour les forces. Pour les forces. Pour la psychologie, c'est une horreur. C'est le massacre. C'est le cauchemar. Pour les forces, c'est un test psychique. Puis plus les tests sont subtils, plus ça s'attaque au psychologique. Fait que, tu sais, c'est toutes les notions d'abandon. Là, je m'en vais me taper une solitude de père au bleu ou de, je sais pas trop, trappiste. Calvaire, tu sais. C'est parce que c'est un test qui peut être long, là, tu sais. 5 ans, 6 ans, 7 ans, je sais pas, là. Aucune idée. C'est un test. Tu sais. Fait que si vous autres, vous êtes pas prêts à regarder la vie comme étant un test, puis que vous regardez tout le temps ça en termes de expansion, c'est le bonheur, puis le test, c'est le malheur, que vous ne sortirez jamais de... Votre vie va être un cauchemar dans les temps à venir. Parce qu'ils veulent que les gens soient plus sensibles. Ils veulent que les gens soient plus sensibles. Mais plus sensible, pour un gars, c'est presque être féminin. Tu sais, être féminin, ça être tapette, c'est comme, tu sais... Il ne faut plus t'aider de jugement. Tu sais, plus de jugement, ça veut dire plus réfléchir sur la condition de ton être. De qu'est-ce que c'est un être? C'est des zones de définition qui sont définies par 100 000 ans de comportement, là. Okay. Pas évident, ça, là. Il y a plein d'affaires qui ne sont pas évidentes dans les temps à venir. C'est ça, l'apocalypse. C'est des briseurs de comportement puis d'attitude ancestrale. C'est Pluton, calice. C'est... Tu sais, à un moment donné, on voit une petite bouche, un tout petit, puis on a une poille, parce qu'il n'y aurait plus de viande, il n'y aurait plus de ci, puis il n'y aurait plus de ça. Là. Des jus de légumes. Mmh. Okay, ah oui, enlignez-vous ces extracteurs. Là. Écoutez, Chris, le bœuf, quand est-ce que ça va coûter 15$ la livre, puis que tu serais... Ben c'est ça! Puis là, à un moment donné, il s'agit de commencer à passer des règlements sur les animaux, une sensibilité. Belles affaires qui changent. Belles affaires qu'on jamais on a vues dans notre vie. Là. La fonte des glaces, bien beau la fonte des glaces, mais il disait tout ce qu'il faut être immergé. Là. C'est hyper débile. Comment que le monde aime l'eau? Plus de questions? Ben, je suis content d'aller boire un café. Salut.